إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on est dans le cours numéro 6 aujourd'hui dans تأكيد المسلمات السلفية du Cheikh Abdul Aziz ibn Rais al-Rais et c'est un livre qui réfute une des fatwas qui a été faite par certains chouïfs en Arabie Saoudite pour essayer de dire que les Asha'ira font partie du groupe sauvé. Et donc le cheikh, lui, il a ramené les preuves pour montrer que les Asha'ira et les Maturidiyya font partie des gens de Bid'a et ils font partie des groupes qui sont menacés de l'enfer, parmi les groupes qui sont menacés de l'enfer parce que ce sont des gens de Bid'a. Et donc on a déjà jusqu'à maintenant expliqué plusieurs points à ce sujet-là, on a lu deux chapitres ou deux points, et là on est rendu au deuxième. On a lu le premier, on est rendu au deuxième, Al-Fasl al-Thani. Ok. Et Al-Fasl al-Awwal, c'était les citations des ulama qui ont parlé du fait que les Asha'ira sont des Mubtadi'a et qu'ils font partie des Firaq qui sont menacés de l'enfer. Maintenant, الفصل الثاني c'est مختصر في معتقد الأشاعرة وسبب إخراجهم من الفرقة الناجية. C'est-à-dire un résumé de la croyance des Asha'ira et la cause ou la raison pour laquelle ils ont été ou la raison pour laquelle on les a fait sortir du groupe sauvé. D'accord? Donc on va comprendre maintenant pourquoi les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, les ulama des Salaf ont déclaré que les Asha'ira sont des Mubtadi'a. Principalement et fondamentalement, c'est à cause de leur aqidah, c'est à cause des erreurs qu'ils ont qui sont dans leur aqidah qui sont contraires au fondement de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc le Cheikh il dit « Ilayka shay'an min mu'taqad al-Asha'ira mutafaqqiran ala wajh al-ikhtisar » Donc il va présenter plusieurs points de la croyance des Asha'ira en faisant un petit résumé, c'est-à-dire il ne va pas vraiment rentrer dans les détails, c'est juste mentionner les grandes lignes, d'accord. Al-awwal, an al-iman huwa at-tasdiq, fala yarawna 'amal al-jawarih min al-iman wa la yarawna kufran yakunu bil-jawarih. Et je vais mentionner en même temps les références que le cheikh a mentionnées pour retourner, pour ceux qui veulent vérifier les références à ces sujets-là. Donc le premier point, de pourquoi ils ont été déclarés Mubtadi'a et pourquoi on les a fait sortir de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est parce que eux, pour eux, la foi c'est uniquement de dire que tu reconnais dans ton cœur la véracité de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Du moment que tu as reconnu de la véracité de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça y est, pour eux t'es un mu'min, même si tu n'as pas fait aucune action qui sont ordonnés ou commandés par la foi. D'accord? Donc, il suffit pour eux de faire at-tasdiq. D'accord? Et ils ne considèrent pas que les actions du corps peuvent être kufr d'une façon ou d'une autre. Les références à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut, on peut résumer ça en disant que ils font partie des murji'a. Ils font partie de la secte des murji'a dans Al-Iman. Ok? parce qu'il n'inclut pas les actions dans la définition de l'Iman. Tandis que Ahl al-Sunnah wal Jama'a, on dit que l'Iman, qawlun bil-lisan, i'tiqadun bil-janan, wa qawlun bil-lisan, wa amalun bil-jawarih. Donc c'est-à-dire, amalun bil-arkan, la foi dans, selon Ahl al-Sunnah wal Jama'a, comme c'est expliqué par les preuves du Coran et de la Sunnah, la foi c'est qu'est-ce que tu crois dans ton cœur, qu'est-ce que tu prononces avec ta bouche, et qu'est-ce que tu fais comme action avec ton corps. Tout ça entre dans la signification et dans la définition de la foi. Toutefois, pour eux, ces gens-là, qui font partie des Murji'ah, la foi ne comprend que ce qu'il y a dans le cœur, et ce qui est dans les actions ne fait pas partie de la foi pour eux. Donc quelqu'un ne peut rester sans rien faire de la foi et être considéré quand même comme étant un croyant, selon leur compréhension, et ça c'est contraire à la vérité. Et les références qui sont mentionnées, c'est Majmou al-Fatawa, le volume 12, la page 471, le volume 20, la page 86, et le volume 7, la page 636. Et pour regarder, pour ceux qui veulent aller voir dans les livres des Asha'ira pour constater cette aqida, il y a le livre qui s'appelle Al-Irshad d'Abil Ma'ali Al-Juwayni. Il y a le livre Sharf al-Tafsiyah, et il y a, ça c'est par Sa'd al-Din Tilfazani. Donc à ce sujet-là, tu retournes à ces livres-là, tu vas voir Ibn Taymiyyah qui explique ce point-là par rapport au Asha'ira, et dans le livre des Asha'ira eux-mêmes, ils mentionnent ça et ils font... il explique ça dans leur livre à eux aussi. Deuxième point, إنهم جبرية في باب القدر فلا يثبتون إلا الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية فليس للعبد عندهم قدرة ولا يثبتون إلا الاستطاعة والقدرة المقارنة للعمل دون ما قبله. Donc ça c'est un point qui a rapport avec la foi dans Al-Qadr. Donc, dans la question qui a rapport avec le point qui est le sujet de Al-Qadar, ils font partie de ce qu'on appelle Al-Jabriya. Et Al-Jabriya, c'est des gens qui, en fait, disent que l'être humain, il n'a pas de capacité de force ni de volonté. Il est comme la plume dans le vent. Hein? Il n'a pas de contrôle de ce qui se passe ou de ce qu'il fait. Hein? Il est comme sans volonté et sans puissance. Ou sans force. Et donc, ils ne font pas de distinction entre la volonté d'Allah, qui est la volonté qui a rapport avec la création, hein, et qu'est-ce qui se passe dans l'univers, et qu'est-ce qu'Allah contrôle dans l'univers, et la volonté qui est reliée à la révélation. Okay? C'est-à-dire, al-irada al-kawniya, qui a rapport avec la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui se passe dans l'univers, c'est ce qu'il veut. Il n'y a rien de ce qui se produit excepté que c'est par sa volonté, et rien ne peut sortir de sa volonté. Ça c'est al-irada al-kawniya, que ce soit bon ou mauvais, hein, c'est Allah qui l'a voulu. Maintenant il y a al-irada al-shar'iya, qui ne concerne que ce que Allah aime. D'accord? Et on la connaît uniquement par la révélation, cette volonté d'Allah. On sait que Allah veut la guidance, veut la foi, veut qu'on croit en lui, et qu'il aime la foi, et qu'il aime le bien, hein, parce qu'il a envoyé des messagers pour nous informer de ça avec des révélations et des livres. Et donc on sait ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas par la révélation. Tandis que l'irada al-shar'iyya, l'irada al-kawniyya, celle qui a rapport avec l'univers, et qu'est-ce qui se passe dedans, et qu'est-ce qu'Allah a créé dedans, que ce soit bon ou mauvais, ça Allah, tout ce qui se passe dedans, c'est lui qui l'a voulu, mais ça ne veut pas dire que ce qui se passe, il l'aime. Il y a des choses qu'il permet de se produire, qui sont contraires à ce qu'il aime, pour tester les êtres humains, et pour les mettre à l'épreuve. Et parce qu'il y a toujours une sagesse dans ce qui se produit, de ce que Allah permet, dans l'univers, ok? Mais les Asha'ira, ils font pas de distinction entre les deux. Donc, pour eux, il n'y a que l'irada al-kawniya seulement. Donc, ils ne font pas de distinction entre ce que Allah veut par sa révélation et ce que Allah veut dans la prédestination et dans qu'est-ce qu'il a créé. Et donc, ça amène un grand problème. Ça veut dire que pour eux, tout ce qui se produit, c'est parce que yani, c'est Dieu qui l'aime. Hein, et Dieu l'a voulu, de façon à ce qu'il l'aime. Et ça c'est grave, ça veut dire qu'il aime, ça voudrait dire que Allah, par exemple, a voulu le kufr et il aime le kufr, a voulu le shirk et il aime le shirk. Et ça c'est contraire à la révélation. Hein. Donc, et de même qu'il n'affirme pas, c'est-à-dire il nie que l'être humain est une puissance et une force. Ils disent que l'être humain n'a pas aucune capacité par lui-même et qu'il n'affirme que l'istita'a. En fait, al-qudra c'est la force et l'istita'a c'est la capacité. Et il dit al-qudra, la capacité, ils affirment une capacité qui est reliée avec l'action en elle-même mais qui n'existait pas avant que l'action soit faite. Ça c'est des trucs qu'ils ont inventés qui sont des philosophies et c'est contraire de toute façon à la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Parce que les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, ils affirment que la créature, elle a une force et elle a une volonté. Toutefois, c'est une volonté et une force qui est limitée et soumise à la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Allah, il affirme que l'être humain a une volonté et il affirme que l'être humain a une capacité, une force. Toutefois, elle est limitée par la volonté d'Allah et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça c'est la position correcte. Donc, les références à ce sujet-là, c'est Majmu' al-Fatawa, le volume 16, la page 237, et le volume 8, la page 340, et dans As-Safadiyya, le volume 1, la page 152, et dans Minhaj al-Sunnah, le volume 1, la page 463, et dans Al-Istiqama, le volume 1, la page 215, et aussi dans les livres des Asha'ira, vous pouvez aller voir dans Al-Irshad de Abil Ma'ali al-Juwayni, et dans Al-Jawhara, le Sharh, et le Sharh de Al-Bajuri, et dans Al-Mawaqif min Ilm al-Kalam de Al-Iji. Dans ces livres-là, vous allez voir les références, qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a dit à ce sujet-là, et vous allez voir en même temps qu'est-ce que les Asha'ira ont dit dans leurs livres à ce sujet-là, qui prouvent que c'est vraiment leur croyance. Troisième point, لا يثبتون لأفعال الله علا ولا حكمة والعياذ بالله. C'est-à-dire, ils n'affirment pas aucune sagesse à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions et dans ses causes. Donc, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour une sagesse. Hein. Et ça, c'est très grave en réalité. Et ça, si vous retournez aux références de Ibn Taymiyyah qui en parle dans Majmu' al-Fatawa, le volume 14, la page 183, le volume 8 à la page 97, le volume 8 à la page 428, et dans Al-Asfahaniya, dans l'Aqidah Al-Asfahaniya, il en parle aussi, et dans Dar al-Ta'arud Bayn al-Aqli wal-Naql, le volume 1, à la page 330, il en parle, et dans le livre des Asha'ira, vous pouvez le trouver dans Al-Tamhid, l'Il-Baqilani, et dans Rayatul Maram, fi Ilm al-Kalam, de Al-Amadi, et dans الجوهرة وشرحها للباجوري إذا لشرح الجوهرة تدي جوهرة التوحيد كي سبل عون المريد في الفوليوم 1 la page 509 il en parle de ça تدي les Asha'ira parlent de ces points là. Ça c'est pour ceux qui veulent confirmer ou aller vérifier est-ce que ce qu'on prétend à leur sujet c'est vraiment dans leur livre ou non. Quatrièmement, لا يثبتون شيئا من الصفات الفعلية. c'est-à-dire qu'il n'affirme aucune action parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire pour eux, toutes les actions qui sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala comme attributs dans le Coran et dans la Sunna, ils ne les affirment pas. Donc, al-istiwa, al-maji, al-ityan, yani, al-khalq, al-ilm. Non, il y en a qui vont les affirmer en apparence, mais en réalité, par la suite, ils les nient par leur définition, par la définition qu'ils donnent à ces attributs-là. Al-kalam, la parole. En apparence, ils l'affirment, mais en réalité, ils la nient. Hein? Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les attributs qui s'appellent al-af'al al-fi'liya. Ok? Par exemple, al-hub, al-bourd, l'amour, la haine, la miséricorde, tous les attributs qui ont rapport avec les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les affirme pas. Al-Asha'ira, alladhina hum min ba'd Abi al-Ma'ali al-Juwayni, ankaru 'uluw Allah 'ala khalqihi bi dhatihi. Alors, les références pour les attributs d'Allah, les attributs ou les actions attribuées à Allah, c'est dans Al-Fatawa al-Kubra, le volume 5, ça c'est de Ibn Taymiyyah, la page 68, et le volume 5 et la page 239. Ça, si je ne me trompe pas, c'est une aqida qu'on appelle At-Tis'iniyyah. Le volume 5 dans Al-Fatawa al-Kubra, c'est la aqida, un livre. Tous les quatre premiers volumes de Al-Fatawa al-Kubra sont sur le fiqh. Et le cinquième volume est sur Al-Aqida, et on l'appelle At-Tis'iniyya. Et c'est un livre vraiment intéressant sur l'Aqida qui réfute les Asha'ira et les autres Mubtadi'a. Quoi d'autre encore? Le volume 5, page 239, j'ai dit, et dans les livres des Asha'ira à ce sujet-là, au sujet des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous trouvez dans Al-Irshad de l'imam Al-Juwayni, dans Asas Taqdis de l'imam Al-Razi, et dans Aoun Al-Murid, volume 1, page 410, et dans Sharh Al-Bajuri, vous trouvez ça également. Dans Sharh Al-Bajuri de Jawharat al-Tawhid, parce que Aoun al-Murid c'est aussi un sharh de Jawharat al-Tawhid. Et vous remarquez que les Asha'ira, c'est très rare qu'ils mettent leur livre d'Aqida à disponibilité des gens. Et vous trouvez par exemple les livres d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, l'Aqida sur internet, vous les trouvez facilement dans les sites internet pour les télécharger. Mais essayer de trouver les livres des Asha'ira à télécharger sur Internet, c'est très difficile. Parce qu'on dirait qu'ils ont honte de les mettre sur Internet. Asha'ira, c'est, après. Parce que, ça c'est, ok. Bon, c'est ça, c'est comme qu'ils ont honte de les mettre en ligne. Parce que, ils ont peur que les gens lisent ces livres-là, et qu'ils voient par eux-mêmes la réalité de l'absurdité de qu'est-ce qui est raconté dans ces livres. Hein? Et je sais pas en tout cas, moi j'ai consulté certains d'entre leurs livres, et Allah Musta'an, la plupart des gens que ces gens-là disent par exemple, quand vous parlez avec des Asha'ira, ils disent « Ah, la majorité des musulmans sur la terre sont Asha'ira », et c'est pas vrai. Parce que la majorité des musulmans n'ont pas étudié les livres de Asha'ira. Et personne ne peut être Asha'ari, excepté s'il a étudié leur Aqidah dans leur livre. Parce que l'Aqidah qui est dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas l'Aqidah Asha'ariya. Vous comprenez? Donc, si vous donnez à des musulmans ordinaires qui n'ont pas étudié aucune Aqidah spécifique, excepté ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et si vous leur donnez les livres de Asha'ira à lire, ils vont pas être d'accord avec ce qui est dans les des Asha'ira, parce que c'est contraire au texte même, hein. Donc c'est de la philosophie. Donc ça c'est juste un exemple pour vous montrer comment il y a la différence. Tandis que Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah et les ulama, il y a des salaf, leur aqida est toujours tirée des textes du Coran et de la Sunnah, hein, dans ce sens-là. Donc, pour la question de le cinquième point, c'est que les Asha'ira qui sont venus après Abul Ma'ali al-Juwayni, eux, ils nient le fait que Allah est élevé, qu'il est au-dessus de sa création, yani, qu'il est lui-même élevé au-dessus de sa création ou au-dessus de sa création. Ils nient ça. Parce que avant al-Juwayni, il y en a parmi eux qui l'affirmaient. Mais après al-Juwayni, ils ont commencé à le nier. Parce que plus on s'éloigne de Abu al-Hassan al-Ash'ari de son époque, et bien plus il se rattache ou il se relie au Mu'tazila et à la croyance du Mu'tazila. Hein? Plus on s'éloigne de al-Ash'ari, plus on voit qu'il se rapproche des Mu'tazila et des philosophes. Donc ça, les références à ce sujet-là, c'est Dar al-Ta'arud bayn al-Aql wal-Naql, le volume 6, la page 213, le volume 6 et la page 245, le volume 6 et la page 267, et Ijtima' Juyush al-Islamiyya de l'imam Ibn al-Qayyim à la page 207, mais ça dépend bien entendu des éditions que vous allez consulter. As-Sawa'iq al-Mursala, le volume 2, la page 405. Et dans les livres des Asha'ira, il y a Al-Jawhara, Jawhara al-Tawhid, et son charf de Al-Bajuri, et le charf de Al-Jawhara qui s'appelle Aoun al-Murid, et Mushkil al-Hadith de Ibn Furak, et Asas al-Taqdis de l'imam al-Razi. Vous trouvez ça expliqué et mentionné dans ces livres-là. Ensuite, le point numéro 6, لا يثبتون من صفات المعاني إلا سبعا أو أكثر وعمدتهم في الإثبات العقل ثم هم في الصفات السبع نفسها في الصفات السبع نفسها لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة. Donc le chef il dit que ils n'affirment pas les attributs les attributs qu'on appelle sifat al-ma'ani, excepté sept. C'est-à-dire les attributs qui font partie, disons, qui font partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont éternels. Ok? Et ils en affirment uniquement sept. Et ces attributs-là, c'est, yani, as-sama, l'ouïe, al-basar, la vue, al-ilm, la connaissance, al-qudra, la force, al-irada, la volonté, al-kalam, la parole, et al-hikma, la sagesse. D'accord, ça c'est les sept qu'ils attribuent, ou certains ils vont aller jusqu'à 13, hein, mais c'est-à-dire que quand on dit 13, les autres qu'ils ajoutent, ce n'est pas nécessairement des attributs, c'est des principes philosophiques qu'ils appellent eux des attributs, comme al-Baqa et al-Mughayyara an al-Hawadith et al-Qayyumiyya wal-Wahdaniyya. En tout cas, ils ont différents principes comme ça qu'ils expliquent. Il y en a certains d'entre eux qui sont en accord avec les textes, mais il y en a d'autres qu'ils utilisent pour nier les attributs qui sont affirmés dans les textes. Donc il y a ça, puis il y a les Maturidiyya, eux ils rajoutent une huitième attribut qui s'appelle At-Takwin, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. C'est juste pour vous dire qu'ils affirment ces sept attributs-là en général. Et ils les affirment, mais ils les affirment par la raison. Leur base pour les affirmer, c'est la raison, c'est-à-dire pas la révélation, même si elles sont affirmées par la révélation. Et ensuite, ils disent que, le cheikh il dit que les sept attributs qu'ils affirment, la façon dont ils les affirment, ils ne les affirment pas de la même façon que Ahl Sunnah ou Al-Jama'ah. D'accord. Après le septième point, ah oui, les références à ce sujet-là, c'est منهج السنة منهج السنة volume 2 page 487 التدمرية la page 33 et dans les livres des Asha'ira تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد de Al-Laqani et شرح الباجوري de جوهرة التوحيد et aussi le fait qu'il se base sur la raison, vous pouvez voir ça dans Asas al-Taqdis et Al-Irshad. Donc ça c'est dans les références des livres des Asha'ira où c'est expliqué ces choses-là. معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله راجع إلى توحيد الربوبية لا يعرفون التوحيد الألوهية كما فسر الباقلاني كلمة التوحيد بمعنى الربوبية. Donc le Cheikh ici il dit que septième point, que pour eux la parole de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est uniquement la signification du tawhid al-rububiyya pour eux. Donc pour eux tawhid al-uluhiyya ça n'existe pas. Tawhid al-ibada qu'on appelle al-uluhiyya ça n'existe pas pour eux. Non. Et yani, c'est pour ça que pour eux ils ne considèrent pas nécessairement les actions comme étant les actes de les gens qui vont adorer les tombes et des choses comme ça, eux ils ne considèrent pas que ça rentre dans le shirk. Okay? Parce que pour eux, shirk al-Rububiyya c'est le seul qui existe. Ça veut dire qu'avec Allah, il y a un autre Allah, ou il y a un autre créateur, ou bien, allez, ils divisent ça comme ça. C'est-à-dire, pour eux, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu. Tu dis qu'il y a un seul Dieu, ça y est. Tu es un wahid, tu as établi le tawhid. Même si tu invoques d'autres en dehors d'Allah, hein, tant que tu ne crois pas que c'est un créateur et un pourvoyeur, et que, allez, donc pour eux, tu n'es pas un mushrik. Donc c'est la même croyance que la croyance d'Abu Jahl et Abu Lahab et les mushrikins de Quraysh. Non, et comme huitième point, ah oui, pour, à ce sujet-là, il dit que Al-Baqilani, dans son livre, un des imams des Asha'ira, il a écrit que le Tawhid, c'était uniquement, la façon qu'il l'a expliqué, c'était uniquement dans l'explication de Ar-Rububiyya. Et puis la plupart des shuyukh des Ikhwan et des shuyukh de l'Azhar, ils sont Asha'ira. Et donc quand ils écrivent des livres, vous voyez qu'ils parlent du Tawhid dedans, ben ils vont juste parler de Tawhid Ar-Rububiyya seulement. C'est pour ça que pour eux, quand ils parlent de Tawhid, ils en parlent juste quelques secondes, et puis après ils passent à autre chose, pour eux c'est un détail. Hein. Et donc, il n'y a pas vraiment pour eux d'importance à parler de ce fondement-là qui est la base de l'islam, malheureusement. Et les références à ce sujet-là, il y a Majmou' al-Fatawa al-Kubra, volume 5, page 248. Aussi dans les livres des Asha'ira, il y a Usuluddin de l'imam al-Baghdadi. Oui, donc comme j'ai dit, Majmou' al-Fatawa al-Kubra. Et dans les livres des Asha'ira, il y a le livre qui s'appelle Usuluddin de al-Baghdadi. Ok, c'est la page, ah oui, 123. Et al-Baghdadi, il dit al-Baghdadi, c'est, je ne sais pas de quel Baghdadi il parle. En tout cas, c'est un des Asha'ira lui aussi. Et je pense que c'est le même qui a écrit le livre Al-Farq bayn al-Firaq. En tout cas, il a écrit aussi un livre qui s'appelle Usuluddin. Et c'est un Asha'ari. Ensuite, il y a comme huitième point. Ma'alu qawlihim fi kalam Allah anna al-Qur'an makhluq. Kama afadahu ahadu a'immat al-Asha'ira al-Muta'akhirin. Donc la conclusion à la fin, quand tu regardes ce qu'ils disent au sujet de la parole d'Allah, c'est que le Coran est créé, ok, et ça c'est ce que un des imams des Asha'ira a conclu, ou c'est ça ce qu'on constate dans les paroles d'un des imams des Asha'ira qui sont venus plus tard, comme Ar-Razi, l'imam Ar-Razi, et le Cheikh il mentionne comme référence à ce sujet-là, le volume 5 dans Majmou' al-Fatawa al-Kubra, il a été aussi publié comme livre séparé, qu'on appelle Al-Aqida al-Tis'iniya, et il a été publié en deux volumes. Donc, celui qui a l'édition en deux volumes, il peut aller voir dans le volume 2, la page 597. Et dans le volume 2, à la page 618. Et aussi, c'est mentionné également par le Cheikh Abdullah Abba Batin dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 3, la page 231. Donc, ça, c'est à ce sujet. Et dans les autres livres des Asha'ira, même dans les Moutoun et dans les petits charhs de Jawharat al-Tawhid et autres, vous allez voir même des mentions de ce sujet-là quand il parle de Al-Kalam. Comme neuvième point, « يتوسعون في الكرامة فيجعلون كرامة الأنبياء ممكنة للأولياء » Comme point, le Cheikh il dit que ils ont une compréhension très large des miracles, et donc ils affirment les miracles, c'est-à-dire ils disent que les miracles des prophètes peuvent être faits par les saints, par les awliya, ok. Donc ils exagèrent un petit peu à ce sujet-là, et ça c'est dans Al-Nubuwat et dans Tabaqat al-Shafi'iyya de Al-Subki, vous pouvez retourner à ça pour voir les références. Al-Nubuwat c'est de Ibn Taymiyyah. Et il en parle au début du livre. Le dixième point, يقررون رؤية الله إلى غير جهة وما آل قولهم إنكار الرؤية. Le fait qu'ils disent qu'on va voir Allah mais sans direction, c'est-à-dire sans qu'il soit dans une direction. Donc à la fin, en réalité, la conclusion de leur position, c'est qu'ils nient la vue d'Allah, le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est mentionné dans Dar al-Ta'arud bayn al-Aql wa al-Naql et dans Bayan al-Taqdis de Bayan al-Talbis al-Jahmiya. Donc Dar al-Ta'arud, le volume 1, page 250, et le volume 7, page 239, et Bayan al-Talbis al-Jahmiya, le volume 1, page 26, et dans les livres des Asha'ira, il y a dans Al-Jawhara, Jawharat al-Tawhid et son charh de Al-Bajuri, parce que Bajuri il a écrit Jawharat al-Tawhid et c'est comme un poème, ok, c'est un petit poème sur l'aqida, selon l'aqida des Asha'ira, et il a écrit un charh aussi de ce livre-là qui s'appelle, en fait c'est le charh de Al-Bajuri de Jawharat al-Tawhid, et il a été aussi expliqué par d'autres shuyukh Asha'ira, non seulement, pas seulement par Al-Bajuri. Donc il y a l'exemple aussi de Aoun al-Mourid, aussi qui est un autre charge de ce livre-là, dans le volume 2, à page 637, 638, vous allez trouver aussi des explications à ce sujet-là, de la part des Asha'ira eux-mêmes. Il y a le point 11 qui est mentionné, « أن العقل لا يحسن ولا يقبح » ça c'est un autre point qui fait partie de la aqida, c'est que tu ne peux pas dire que quelque chose est beau ou mauvais, ou bon ou mauvais, rationnel, en se basant sur la raison. C'est uniquement selon la révélation, selon ce qu'ils disent. Et ça, c'est contraire à la aqida. Ça, c'est mentionné, si vous voulez voir les détails à ce sujet-là, dans Majmu al-Fatawa, le volume 8, la page 90, et le volume 11, la page 677, et dans les livres d'Asha'ira, il y a dans Jawhar al-Tawhid et dans son Sharh Aoun al-Murid et dans Al-Mawaqif min ilm al-Kalam de Al-I.G. Al-I.G c'est un autre des shuyukh d'Asha'ira. Le deuxième point, أنه لا يصح إسلام أحد بعد التكليف إلا أن يشك ثم أول واجب عليه النظر كما قال أبو المعالي الجويني إلى آخر ما عندهم من اعتقادات بدعية. Donc ça c'est le dernier exemple que le Cheikh a mentionné. Toutefois il y en a beaucoup d'autres qui sont des croyances qu'ils ont qui sont contraires au fondement de Ahl Sunnah wal Jama'a, mais celui-là c'est le dernier qu'il a mentionné, et c'est que pour eux, lorsqu'une personne est devenue par exemple il a atteint l'âge de la puberté, eh ben, une fois qu'il a atteint l'âge de la puberté, on ne peut pas considérer son islam comme étant valable tant qu'il n'a pas remis en doute sa foi, et l'existence de Dieu. Puis, pour eux, la première obligation, c'est d'essayer d'observer pour arriver à croire par l'observation et par la raison. D'accord? Sinon, c'est pas un croyant, selon leur aqida. Et ça a été dit par l'imam Abu al-Ma'ali al-Juwayni dans leur livre. Et il mentionne des références à ce point-là, à ce sujet-là aussi. C'est Dar al-Ta'arud dans le volume 7, la page 440 et 418, et dans Bayan Talbis al-Jahmiyyah, volume 1, page 249. Ça c'est les livres d'Ibn Taymiyyah. Puis dans les livres des Asha'ira, vous trouvez dans Al-Irshad de Al-Juwayni et dans Al-Insaf de Al-Baqilani. Ils ont mentionné ces points-là. D'accord. Donc, pour voir où on est. Oui. Ensuite, le Cheikh il dit que إذا تبين شيء من معتقد الأشاعرة فالواحدة مما تقدم تكفي في تبديعهم وإخراجهم من أهل السنة والجماعة ومن أهل السنة والفرقة الناجية إلى عموم 72 فرقة المسلمة الضالة لأن ما ذكرت من المؤاخذات العقدية هي مؤاخذات كلية وتخرج الطائفة والفرق وتخرج الطائفة والفرقة من طائفة أهل السنة إلى أهل البدعة إذا خالفت أهل السنة إذا خالفت أهل السنة في أمر كلي ولو واحدا كما أفاد ذلك الشاطبي في الاعتصام. Le Cheikh dit que lorsque on a compris maintenant ces points là qu'on a mentionné parmi les points qui ont rapport avec la croyance des Asha'ira, eh bien, on va comprendre que une seule parmi les exemples qu'on a mentionnés, sont une seule d'entre elles, si quelqu'un par exemple, ou si une secte avait une seule de ces points-là, ce serait suffisant pour les déclarer comme étant des Mubtadi'a, et pour dire qu'ils sont en dehors du groupe sauvé, et qu'ils font partie des 72 sectes musulmanes égarées. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans le cas de quelqu'un qui possède toutes ces bid'ah réunies et tous ces fondements d'égarement réunis ensemble? Donc c'est encore plus grave. Et donc, la raison pour laquelle un seul de ces points-là suffit pour qu'une personne soit déclarée comme étant muqtadi', c'est que ces points-là sont des fondements, des principes. Non seulement, c'est pas seulement des points isolés ou des questions secondaires dans la aqidah, mais c'est des fondements dans la sunna. Et donc c'est pour ça que ça suffit que quelqu'un en ait un seul pour qu'il soit déclaré comme étant un mubtadi'. Et il dit que ça a été expliqué par l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam, le volume 2, la page 712. Il dit فقال وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزء فرع والفرع شاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية لأن الكليات نص من الجزئيات غير قليل وشأنها في الغالب أن لا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا وأما الجزئي فبخلاف ذلك بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وأئمة المضلون ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات Donc le cheikh il dit, la parole de l'imam al-Shatibi à ce sujet-là, c'est très intéressant et il clarifie. C'est que, yani, pourquoi on dit qu'une personne, lorsqu'elle a, yani, contredit dans un de ces points qu'on a mentionnés, il sort de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, parce que c'est des points qui sont des choses qui sont des principes dans la religion, des fondements, ou des règles fondamentales, ou des principes généraux. Et donc, des principes généraux. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire, comme le cheikh al-Shatibi, il le dit, l'imam al-Shatibi, que ces sectes qui ont dévié, elles sont devenues des sectes qui ont contredit le groupe sauvé dans une des significations des fondements de la religion, ou une règle parmi les règles de la charia, et non pas dans un point dans un élément parmi les éléments de la charia. C'est-à-dire c'est dans un principe fondamental qu'ils ont dévié, non pas dans un point précis de la charia qui est un point, un élément ou disons une branche parmi les branches qui dans lesquelles quelqu'un a pu faire une erreur. Si quelqu'un se trompe ou fait une erreur ou contredit dans une question qui est une branche ou quelque chose qui est secondaire, rapport au fondement, ça ne va pas ramener une division qui va créer une secte. Okay? Par exemple, il y a des ulama qui ont divergé dans certaines questions de fiqh en se basant sur une différence d'ijtihad ou des choses de ce genre, et ça n'a pas ramené des divergences dans les fondements de la religion. Ça n'a pas créé des nouvelles sectes. Toutefois, quand quelqu'un diverge dans des fondements et des choses qui sont fondamentales, eh bien là, ça amène des divergences qui sont plus graves. Et la raison pourquoi, c'est parce que ces principes-là, il y a beaucoup de points secondaires qui sont reliés avec. Ces fondements-là, ils sont reliés à plein de questions qui en découlent. Et donc, si quelqu'un disons à une mauvaise compréhension de ce fondement-là, à cause de cette déviation ou de cette erreur-là qu'il a dans ce principe, ça va faire en sorte que tous les règles qu'il va extraire par la suite de cette règle-là qu'il a dans laquelle il s'est dévié vont toutes être erronées aussi. Vous comprenez? Parce que déjà à la base le principe ils l'ont déformé et donc tout ce qui va sortir de ce principe-là va être déformé aussi. Et donc il donne un exemple en parlant de al-tahsin al-aqli, le fait que tu dois, qu'est-ce qui a rapport à de déclarer que quelque chose est bon par la raison, et bien il dit que la divergence à ce sujet-là, elle a ramené beaucoup de divergences dans les questions secondaires également. Et donc c'est pas seulement dans les questions de croyance, mais également dans les pratiques et dans les actions religieuses que ça a eu des impacts. Et donc, de diverger dans les questions des fondements, ça amène des divergences dans plusieurs points secondaires également, ou des éléments différents de la charia. Et donc, le Mubtadi', lorsqu'il a établi, lorsqu'il ramène à cause de ces fondements-là plusieurs branches, ou plusieurs principes, disons, plusieurs éléments, qui sont innovés, eh bien, ça ramène plusieurs contradictions à la charia par la suite à cause de ça. Et donc, كَمَا تَصِيرَ الْقَاعِدَ الْكُلِّيَ مُعَارِضًا أَيْضًا. Et donc, à cause d'un fondement يعني à cause d'une divergence ou d'un égarement dans un fondement ou un précepte, ça va ramener beaucoup de divergences dans les éléments secondaires de la charia à cause de ça. Et donc, si quelqu'un faisait une erreur dans, ou une débat dans une question qui est secondaire, ce serait considéré, comme il dit, يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة وإن كانت زلة العالم un erreur de savant dans une question qui fait une mauvaise fatwa, on dit que ah, il a glissé dans ce, à ce sujet là, il a fait une erreur, il a fait une fatwa qui est contraire à la vérité, hein. Mais le, de la part d'un mubtadi, d'après ce que j'ai compris, c'est que de sa part ça, ça se reproduit tout le temps ces erreurs-là, parce que ses fondements sont mauvais, ses principes sont mauvais. Et c'est là que tu vois la différence entre des imams ou des ulamas qui divergent dans certaines questions et qui font des erreurs, hein, parce qu'ils ont mal compris ou mal jugé, tandis que le muqtadir, lui, c'est différent, c'est dans ses fondements qu'il a l'erreur. Et donc c'est ça ce qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'il amène une nouvelle question, il juge dans, par une réponse où il va ramener une conclusion qui est contraire à la vérité, parce que ses fondements sont erronés. Et ça, il y a beaucoup de frères, parfois il y a des gens qui ne comprennent pas bien ça, et donc ils considèrent que l'erreur d'un muqtadir et l'erreur d'un salafi, c'est la même chose. Et ça, c'est grave de faire ça, yani. Et il ne faut pas les mettre à égalité. Et il dit que l'erreur du alim, des fois même, ça peut causer la destruction de la religion parfois, comme Omar ibn Khattab, il l'a dit, trois choses détruisent la religion: l'erreur du savant, le dispute ou le débat d'un hypocrite au sujet du Coran, et les imams égarés. Donc ça, c'est les trois choses qui détruisent la religion. Mais il dit, ولكن إذا ضرب يعني si la question ou le point de l'erreur sur lequel le savant s'est trompé est une question qui يعني pas trop يعني qui est plus proche, qui s'est pas égaré, qui a pas fait une erreur trop grande, eh ben ça va pas faire une division à cause de ça en général, et ça va pas détruire la religion, contrairement aux erreurs dans les fondements et dans les principes. D'accord. Et ouais. Donc la prière c'est à quelle heure en ce moment à la mosquée? Moins 20. Ok, donc on va s'arrêter lorsque ça va être l'heure de la prière, puis on va faire la prière, puis après ça, inchallah, on, si on n'a pas eu le temps de compléter, il reste juste deux ou trois petits paragraphes, on a le temps de finir avant l'heure de la prière, inshallah. Donc le cheikh il dit: فكيف بمن يخالف أهل السنة في عدة كليات كالأشاعرة. Donc il dit comment, qu'est-ce qu'on peut dire si c'est le cas pour celui qui se trompe dans un fondement ou un principe fondamental des principes de أهل السنة, on dit qu'il est un tabi'. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui se trompe ou qui s'est égaré dans plusieurs fondements parmi les fondements de l'aqida? C'est encore plus grave, hein. Donc le cheikh il dit: أو إذا خالفت إذا خالفت أهل السنة أو خالفت أهل السنة فيما اشتهر خلاف أهل السنة فيه لأهل البدع كما أفاده ابن تيمية إذ قال: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهوى ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. لشيخ الزين و si ces gens-là ont, ou si des gens ont contredit أهل السنة au sujet d'une chose qui est devenue, qui est très connu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est devenu yani ishtahara, c'est-à-dire c'est devenu quelque chose de connu, de populaire, c'est-à-dire les gens savent que de diverger sur ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel les ulama de Ahl Sunnah ont contredit les mubtadi'a, et que ça c'est une chose qui a été répandue et qui est connue chez les gens. Donc quelqu'un qui contredit sur un de ces fondements-là, ou un de ces points-là qui sont connus comme étant des sujets sur lesquels les gens de Bid'a ont dévié, eh ben, dans ce cas-là, il sera considéré comme étant un Mubtadi' et comme étant parmi les gens de Ahwa. Hein. Parce que c'est une contradiction aux gens de la Sunna dans un point qui est célèbre, qui est connu, qui n'est pas quelque chose d'ignoré par les gens, d'accord? Comme par exemple la bid'a des Khawarij, par exemple. Ok? Aujourd'hui, peut-être il y a beaucoup de musulmans qui ignorent qu'est-ce que c'est la bid'a des Khawarij. Ils sont dans la bid'a des Khawarij, mais ils ne le savent même pas. Le fait qu'ils opposent les dirigeants, puis qu'ils appellent à se rebeller contre eux. Au nom de l'islam ou au nom d'autre chose, hein, ou bien qu'ils déclarent les musulmans comme étant des koufars, hein, parce qu'ils font des péchés. Donc ça c'est la bid'a des Khawarij. Beaucoup de gens des Hizbiyyin et des gens des Ikhwan ou d'autres jama'at, ils défendent les principes des Ikhwan, ils défendent les principes des Khawarij, et ils ne savent même pas que ça c'est la position des Khawarij parfois. Hein. S'imaginent que ça c'est la position correcte, alors que c'est faux. Donc ça c'est un exemple, mais ça c'est un khilaf qui est célèbre dans l'histoire, le khilaf, la divergence au sujet de la foi et la divergence au sujet de sortir contre les dirigeants, etc. Ça c'est connu comme étant la divergence des Khawarij. Et la divergence des Rawasit au sujet de Ali et au sujet des Khulafa, Rachidin, Abu Bakr, Omar et Osman, ça c'est connu. Si quelqu'un vient diverger là-dessus, on sait tout de suite qu'il a dévié, il a quitté la position de Ahl-Sunnah. Ou bien, par exemple, la bid'a des Qadariyah, hein, ceux qui nient Al-Qadar, hein, ça c'est connu aussi. Comme ceux qui affirment Al-Qadar d'une façon extrémiste, c'est-à-dire, ils l'affirment au point de dire qu'on n'a plus de volonté, on n'a plus de force. Ou ceux qui l'a nient, hein, en disant que non, on peut faire quelque chose même si c'est contraire à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou des choses de ce genre. Ou que Allah n'a pas su ce qu'on va faire à l'avance, ou des trucs de ce genre. Donc ça c'est des exemples des bid'a des qadariyah, comme les Mu'tazila qui rentrent là-dedans aussi. Les Mu'tazila, un peu comme les Asha'ira, ils ont réuni plusieurs bid'a dans leur secte, hein, à ce sujet-là. La bid'a des Khawarij, elle est chez les Mu'tazila. La bid'a dans l'Iman, on la retrouve chez les Mu'tazila aussi. Et la bid'a de Khuruj, hein, on a mentionné, Al-Qadar, ce sont des Qadariyah. Donc c'est un peu comme ça, les Asha'ira, ils réunissent plusieurs erreurs ensemble, plusieurs divergences. Et la bid'a des Murji'a au sujet de la foi. Hein. Donc il y a ça. Et après le Cheikh, il mentionne une parole d'Ibn Battah. Il dit, قال Ibn Battah, rahimahullah, ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها. وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من أبناه وذكرناه وحذر منه من من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة منذ بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. ثم ذكر الأمور ذكر أمور الاعتقاد الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Donc l'imam Ibn Battah, il a écrit un livre sur la aqida des salafs, et il réunit dans ce livre-là les citations des imams des salafs au sujet des différents points de la aqida. Et dans ce livre-là donc, il dit, nous avons mentionné l'explication de la sunna et sa description, et qu'est-ce qu'elle est en elle-même, et que celui qui s'y accroche, qui s'accroche à cette sunna, c'est-à-dire à la aqida des salafs, on dit qu'il fait partie de Ahl Sunna, et on l'appelle par ce terme-là, comme étant un sunni. Et il mérite d'entrer dans le nombre de ceux qui font partie de la Sunna. Tandis que celui qui compte, qui l'a contredit cette sunna, ou quelque chose qui fait partie des éléments, des principes ou des fondements de la sunna, alors il fait partie de ceux qu'on a critiqués et qu'on a mentionnés et qui sont, dont on avertit contre eux, hein, qui fait partie de ceux qu'on avertit contre eux parmi les gens de bid'a et de déviation. Yani, sur les choses sur lesquelles on s'est mis d'accord ou qu'on a, parmi les points qu'on a mentionnés dans ce char, dans l'explication de la sunna, et sur lesquels se sont mis d'accord les gens de l'islam, les ulama et tous les gens de la umma depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé jusqu'à notre époque, et il a mentionné les points qui ont rapport avec l'aqida, et ça c'est dans le livre الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لباج 175 و 176 و pour terminer il y a une petite mention que j'avais mentionné au dernier cours mais je le répète encore aujourd'hui. تنبيه قرر الشنقيطي محمد ددو المفتي في قناة المجد بأن الفرقة الناجية هم الأشاعرة والماتريدية والسلفية وبمثل قوله قال صالح الأسمري الموظف في وزارة الشؤون الإسلامية في مكالمة له مسجلة مع امرأة وهي موجودة بصوته، بل زاد الثاني في هذه المكالمة الطعن في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وفي شيخنا ابن باز رحمه الله. Donc le cheikh il dit que il y a un gars de, il y en a un qui vient de la Mauritanie qui s'appelle Mohamed Diddou. Et c'est lui, soi-disant, qui faisait des fatwas sur le canal Al-Majd. Et je ne sais pas s'il fait encore des fatwas là-bas, mais il l'appelle comme ça, Al-Shankiti Mohamed Diddou. Et lui, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Mughni Al-Mufid, un charf de Kitab al-Tawhid, il a expliqué Ahl-Sunnah al-Jama'a ou Al-Firqa, le groupe sauvé, il a expliqué en disant que ce sont les Asha'ira, les Maturidiyya et Al-Salafiyya. Et donc, il fait partie donc de ces gens-là qui essaient de faire rentrer les gens de Bid'a dans la définition du groupe sauvé, et ça on sait que c'est une erreur, et de même que Salih Al-Asmari, c'est un employé au ministère des Affaires islamiques, je pense c'est en Arabie Saoudite, il y a une femme qui l'a appelé et qui lui a posé une question sur un sujet, et il a répondu en disant ça, que Asha'ira et Maturidiyya font partie de Ahl Sunnah, et après il a critiqué la da'wa du Cheikh Mohamed Abdul Wahab, et il a également critiqué le Cheikh Ibn Baz, et ça a été enregistré, et même je l'avais téléchargé sur internet. Celui-là, Salih Al-Asmari, il avait répondu à une femme, je pense qui était égyptienne, qui lui posait des questions sur l'aqida ou des choses comme ça, puis lui, il commence à répondre, puis en même temps il attaque Cheikh Mohamed bin Rahab et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et le Cheikh il dit qu'il a la cassette, lui, enregistrée, et le titre de la cassette, c'est à la fin, c'est le titre, Mahabbatun Nabi, Bain al-Haqiqa wal-Iddi'a, l'amour du Prophète sallallahu alayhi wa sallam entre l'amour et la prétention. Et c'est, cette cassette, elle est disponible dans Tajjilat al-Bayyina à Riyad, et il donne aussi le numéro de téléphone. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis, on continuera la semaine prochaine pour expliquer le troisième chapitre, qui a rapport avec des principes de Ahl Sunnah dans leur haine et leur opposition aux gens de Bid'ah et comment ils agissaient envers eux. Donc on va faire ça, Inch'Allah, mercredi prochain, bismillah. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.